Culture Mag. Chaque semaine, c'est Culture Mag sur Attitude. Culture Mag, la suite de cette première partie d'émission avec Michel Verneuil à propos de la soirée dédiée aux entrepreneurs organisée par l'association Léon France. Culture Mag. Culture Mag. Invité. Dans Culture Mag, on vous présente une opération proposée le 13 juin prochain, organisée par Léon France. Le président de Léon France est au téléphone avec moi, Michel Verneuil, bonjour. Bonjour. Grand plaisir de t'accueillir à nouveau à l'antenne d'Attitude. Léon France à l'initiative d'une soirée peu commune ici dans notre région, une soirée dédiée au bien-être des entrepreneurs. Une conférence énergétique suivie ensuite d'un dîner, c'est proposé donc jeudi prochain, le 13 juin. C'est exact, oui. Ça aura lieu au Puy Gourmand à ma campagne, oui. Route de Montmoreau, oui. Une soirée qui sera dédiée aux entreprises, aux entrepreneurs. Dans quel cadre Léon France organise cette soirée, Michel ? Eh bien, c'est dans le cadre d'une intervention auprès des chefs d'entreprise, auprès également avec le concours de la CGPME, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la PESA, pour éviter dans la mesure du possible l'isolement du chef d'entreprise dans ses problèmes journaliers. Oui, une récente étude indiquait que 45% des chefs d'entreprise se sentaient très isolés de leur quotidien, et puis on s'aperçoit également que la vie d'une entreprise en moyenne, et c'est un peu plus de 10 ans, mais c'est pas très très long. Ben oui, c'est pour cette raison-là que dans une conjoncture qui est très difficile, que nous devons essayer d'intervenir pour éviter des catastrophes humaines, hein, puisque là on est plus sur la partie santé de l'entrepreneur, de l'entreprise, que sur une partie économique. Alors comment va se dérouler cette soirée, Michel ? Alors cette soirée, il va y avoir une présentation humoristique un petit peu pour montrer aux chefs d'entreprise présents la situation économique, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, fait par trois psys entre guillemets, hein, parce que ils sont déjà partants sur deux manifestations précédentes, une du côté de Limoges, une du côté de Périgueux, le 13 c'est donc Angoulême, et on envisage de faire une autre avec le concours Océan sur Bordeaux très certainement, peut-être qu'au mois de septembre. Et peut-être que nous ferons une autre manifestation plus tard. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est d'être avant avec le chef d'entreprise, avant que ces problèmes se détériorent, entre guillemets. On veut être présent de façon à leur dire, venez, on va vous écouter et on va faire tout pour vous aider. Cette soirée démarrera par une séance de conférences, d'explications, d'échanges, très certainement, et ça se poursuit avec un dîner de manière conviviale. Absolument. Et dans les chambres, c'est sous forme théâtrale un petit peu. Hein. Mm-hmm. Donc c'est sous forme de spectacle bien rodé par ces trois personnes, que ce soit Sophie Gaillard, Catherine Jean-Aigui ou Frédéric Duplessis. Ils sont rodés à cet exercice. Il y aura un échange derrière, il y aura un échange pendant le cours du repas. Et puis, il y aura aussi la possibilité de nous téléphoner par la suite pour des entretiens personnalisés de façon à aider le chef d'entreprise. Ça ne se fera pas, on n'aidera pas les gens en direct parce qu'il y a quand même un minimum d'intimité à conserver, à réserver, mais on pourra le faire après. Quand on parle de chef d'entreprise, à qui s'adresse cette soirée, Michel ? Responsable de PME, artisans, indépendants ? Tout, PME, artisans, commerçants, indépendants, agriculteurs également, viticulteurs, tous les gens qui sont entrepreneurs, quel que soit leur entreprise, hein, tous ces gens qui finissent par avoir des doutes un petit peu, c'est ouvert aussi à des professions comme avocats, experts comptables qui veulent venir aussi, banquiers, nous avons envoyé plus de 4000 mails à plusieurs reprises, bon, actuellement on a une vingtaine de personnes qui sont inscrites, j'espère que d'autres vont intervenir, de toute façon il y a encore des possibilités, de grandes possibilités, puisque nous pouvons attendre une cinquantaine de personnes. Alors pour réserver, c'est très simple, le numéro de téléphone c'est encore le plus efficace là à cette heure-ci, 06 71 71 78 32, 06 71 71 78 32, c'est ton contact, Michel, pour directement prendre en ligne les réservations. On peut évidemment se renseigner, se documenter et aller sur le site de Léon France, c'est léon-france.fr. Quels sont les principaux partenaires de cette soirée, Michel ? Alors les principaux partenaires de cette soirée, c'est la Chambre des métiers et des artisans, c'est la CPME, c'est la chambre, la CCI d'Angoulême, la chambre de commerce d'Angoulême, entrepreneur et entraide et entrepreneurs de Bordeaux, APESA qui vient également en aide au niveau des gens en difficulté psychologique. Donc on a un bon panel de partenaires du monde économique. C'est important pour encadrer et venir en aide, tu l'as bien expliqué, à nos entrepreneurs charentais. C'est donc le 13 juin. Le début de soirée est fixé à quelle heure ? À 19h. Donc jeudi 13 juin à partir de 19h. Puis gourmand, c'est à ma campagne. Oui. Voilà. Au cas où ça bouchonne sur le téléphone, n'hésitez pas à laisser un message, je rappelle à toutes les fois. Très bien. Et puis SMS naturellement, évidemment. Tout à fait. Bien. Hein ? Je redonne le numéro 06 71 71 78 32 06 71 71 78 32. Les locaux de Léon France sont situés à Angoulême au 52 avenue Gambetta. Et pour s'informer de manière très détaillée sur les activités et le pouvoir entre guillemets de Léon France, on va sur le site leon-france.fr. Merci beaucoup Michel et bon courage. Merci à toi. Culture Mag. Chaque semaine, c'est Culture Mag sur Attitude. Culture Mag revient dans un instant pour un entretien avec Robert Lecoq de la compagnie Arc-en-Ciel pour parler du spectacle Le Destin de Simba, le Roi Lion, du 14 au 16 juin à l'espace Henri Matisse de Soyaux.